tant à faire. Pourquoi niaiser devant ce beau parterre? Le temps précieux des gens soucieux de trouver à qui vendre. Je l'ai perdu, un peu vendu, faut bien se faire en. Les cieux et sur toutes les ondes. Comment chanter ce qu'on ne sait pas dire?